بسم الله الرحمن الرحيم ندخل اليوم في الدرس التاسع والخمسين 59e leçon dans le sujet des gens du Jannah. قال في السؤال الرابع والستين بعد ثلاثمية 364e question. هل يرى المؤمنون ربهم يوم القيامة؟ Question très importante. Est-ce que les croyants verront leur Seigneur يوم القيامة? Donc la réponse est oui, ils le verront durant l'enceinte القيامة ou في الجنة. À deux occasions. La première, lorsque ils seront tous rassemblés avant le rendu des comptes. Et deuxième fois, au Jannah, au paradis. Et il y a un khilaf par rapport à la Rasat Qiyamah. Certains disent que les munafiqoun, également que les gens du livre, le verront. Mais ne le verront pas d'une façon réjouissante. Allahu ta'ala a'lam. Wa dalil hadith Abi Hurayra qala ya Rasulullah hal nara rabbana yawm al-qiyamah. Donc le hadith, c'est que des gens ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que nous verrons notre Seigneur le jour de la résurrection? Est-ce que vous devez vous bousculer pour pouvoir voir le soleil lorsqu'il n'est pas couvert par des nuages? Ils disent non, on n'a pas besoin de. On le voit clairement, dans le sens. Est-ce que vous bousculez pour pouvoir voir la lune, la sorte de pleine lune? قالوا لا يا رسول الله قال فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك. Donc là il dit non, pour voir la pleine lune, pas besoin de se bousculer ou autre. Et donc il a dit, vous verrez ça votre Seigneur de la même façon le jour de la résurrection. Le hadith est muttafaqun alayh. Donc ça c'est une chose importante que l'on doit savoir et dont on doit avoir pour croyance, c'est que les croyants verront leur Seigneur يوم القيامة. ثم قال في السؤال سؤال السادس وستين بعد ثلاثمية 366e question. ما هي زيادة في قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى والزيادة. Donc il dit, qu'est-ce qui est cet ajout, ce surplus dans la parole d'Allah, dans le sens où il dit, et pour ceux qui ont été bienfaisants, la meilleure des récompenses est bien plus encore. Quel est ce bien plus encore? Et on en a déjà souvent parlé, il s'agit de quoi? De la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala, et cela au paradis. Et le dalil, c'est le hadith de Suhaïb, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة قال يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم. Donc il a dit que le prophète صلى الله عليه وسلم il a dit, lorsque les gens du paradis entreront au paradis, Allah عز وجل leur dira, voulez-vous donc que je vous ajoute quelque chose? فيقولون ألن تبيض وجوهنا ألن تدخلنا الجنة وتنجينا من النار. Donc là les gens diront, ne nous as-tu pas ablanchi nos visages, ne nous as-tu pas fait entrer dans le paradis et je nous ai préservé du feu, on va dire qu'est-ce qu'il y a de plus que cela à attendre. Donc après Allah Azza wa Jal enlèvera le voile qui le couvre, et là ils ne recevront aucune chose plus aimée auprès d'eux que le fait de pouvoir regarder leur Seigneur, et le verront clairement, tel qu'il est, tel qu'il est. Puis après, le Prophète se mit à lire ce verset-là. Pour ceux qui ont été bienfaisants à la meilleure des récompenses, et bien plus encore. Et le hadith est rapporté par Muslim. Rahimahullah ta'ala. 367e question. Qui sont donc les gens qui sont du plus bas niveau du feu? Les gens qui sont au plus bas niveau du feu, donc le pire de châtiment. Ce sont les hypocrites. D'une hypocrisie majeure, ceux qui laissent apparaître l'islam et qui enferment au fond d'eux la mécréance. Et également les anadikors, ce qu'on appelle les anadikors font partie de ces gens-là. Que ça, tes hypocrites sont au niveau le plus bas du feu et tu ne trouveras jamais pour eux de secours. An-Nisa, les femmes, verset 145. Et également les gens de Pharaon feront partie des gens qui auront le pire des châtiments, comme vous le savez. ثم قال في السؤال الثامن وستين بعد ثلاثمية 368e question. كم زمان مع جهنم. Donc maintenant il dit dans le sens, combien est-il de chaînes avec l'enfer? قال سبعون ألف زمان مع كل زمان سبعون ألف ملكا يجرونا. Donc elle a 7 chaînes, 70 000 chaînes, et que chaque chaîne avec elle plus de, ou plutôt avec elle, 1000 anges qui la tirent. 1000 anges qui tirent chacune de ces chaînes qui sont 70 000. والدليل حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم يومئذ 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. عفوا je rectifie, j'ai mal lu. Que en fait le feu de l'enfer, la Jahannam, elle a 70 000 chaînes et que chaque chaîne a 70 000 anges et non pas 1000 anges. 70 000 anges. Donc le hadith dit bien qu'on apportera l'enfer ce jour-là, elle aura 70 000 chaînes et dans chaque chaîne, il y aura 70 000 anges qui l'attireront, apportés par Muslim. Taïe. Ce m'a parlé de souvent l'état sur le site Marsala Fumia. 369 questions. Maïa Chajaratou, elle a dit. Donc maintenant, après qu'on ait parlé auparavant de l'arbre qui se trouve au paradis, maintenant il parle de l'arbre qui se trouve en enfer. Donc il a dit comment s'appelle cet arbre qui se trouve au milieu de l'enfer, dont mangeront les gens du feu. Il s'agit de Zakoum, s'appelle l'arbre de Zakoum. Wa dalil qawlu ta'ala inna sharatun takhruju fi asl al-jahim tul'uha kannahu ru'us ash-shayatin fa innahum la'akiluna minha famailuna minha al-butun. Donc il dit dans le sens Al-Zawajel, elle est certes un arbre qui sort du fond de l'enfer, dont les fruits sont comme des têtes de shayatin, et elles seront la nourriture, elles rempliront le ventre, c'est-à-dire ces fruits rempliront le ventre des gens du feu. As-Safat les rangées versets 64 à 66. Quand Allah qui souhaite Sab'in bar 370e question. Helfinar Bard, est-ce qu'il y a du froid, de la fraîcheur en enfer? Quand Allah Nam Fashidat al-Bard fi dunya min Zamharir Jahannam, Washidat al-Har fi dunya min Fayh Jahannam. Donc il dit Nam. Car la dureté de du froid que l'on ressent en cette dunya, dans les pays très froids ou en hiver, cela vient justement des parties de l'enfer. Et la chaleur également que l'on sent en été, cela vient des parties de l'enfer. Wa dalil hadith Abi Huraira, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ishtakat al-nar ila rabbiha fa qalat ya rabbi, akala ba'dui ba'di ba'da, fa azina laha bi nisfain, nisfun fi shita wa nisfun afwan, fa azina laha bi nafasain, nam, bi nafasain. نفسين في الشتاء ونفسين في الصيف فهو أشد ما تجدون من حر وأشد ما تجدون من زمهرير والحديث متفق عليه. Donc le hadith justement qui dit bien que le feu de l'enfer c'est plus auprès d'Allah Azzawajal en disant que les parties se mangent les unes les autres. Donc Allah Azzawajal lui a accordé d'avoir un soulagement, c'est-à-dire un allègement d'une partie apparaîtra en hiver et une partie qui apparaîtra en été. Donc il a dit ce que vous connaissez comme étant la plus grande des chaleurs en été, cela vient du feu de l'enfer. Et ce que vous trouvez comme plus grand froid en hiver, cela vient également de l'enfer. Non. Lakin, yakul Allah azawajal, la yadukuna fiha bardan wa la sharaba. En parlant de l'enfer, ils ne goûteront dedans ni froid, ni boisson. Donc là, le froid, seulement qui est dans le verset, c'est une fraîcheur qui est apaisante, qui est rafraîchissante. Alors que là, lui, l'auteur parle d'un froid qui, lui, est un châtiment. Un froid qui est un châtiment. Car vous savez que le froid peut être une chose qui est extrêmement pénible. D'accord ? Le froid n'est pas forcément une chose agréable lorsqu'on a chaud. Oh, les gens, mais il y a des gens qui meurent de froid. Le froid peut être une cause de mort, une cause de maladie, comme vous le savez. Kazalik. Wallahu ta'ala alam. Donc le froid qu'ils auront, si jamais ils devraient goûter le froid en enfer, c'est un froid, vraiment un froid intense, immense. Et non pas un froid rafraîchissant. Fa ila huna, walhamdulillah bil alamin.